Chapitre 8. L'apparition. C'était merveille de voir le vaillant appétit de ces honnêtes soldats. Ils mangeaient, ils buvaient sans relâche, imitant l'exemple de leur vénéré chef, le chevalier Méloir, qui révéla en cette occasion des capacités de goinfrerie au-dessus de tout éloge. Ce peuple de volatiles, dont les plumes formaient un véritable monceau au milieu de la chambre, fut englouti à l'exception d'une demi-douzaine de poulets. Il suffit d'un grain de sable pour borner les fureurs de l'océan. Quelques poulets du bourg de Saint-Jean firent reculer l'appétit fougueux de nos gens de Bretagne, qui dirent, pour s'excuser, « Il faudra bien déjeuner demain, car il y a de grands estomacs qui déjeunent, même après ces soupers épiques. » Le feu couvait sous la cendre au fond de la cheminée. La nuit avançait. Méloir dit, « Mes compagnons, bon sommeil, je vous souhaite. » Elle se mit à ronfler dans son fauteuil, une main sur son épée, l'autre sur son escarcelle. Chacun fit comme lui. Dans la salle que remplissaient tout à l'heure les chants gaillards et les mille fracas de l'orgie, on n'entendit plus que le bruit rauque et sourd des respirations embarrassées. Tous étaient couchés pêle-mêle, hommes d'armes et archers. Les pieds de l'un s'appuyaient contre la tête de l'autre. Corson, le savant héros, dormait étendu sur le dos, les jambes écartées symétriquement. S'il était possible à un docte homme de se regarder dormir, et que Corson se fût donné ce passe-temps, il n'eût point manqué de dire qu'il ressemblait ainsi à un perle. Note de bas de page. Perle, figure héraldique qui a la forme de l'Y. Retour au texte. Mais Corson, tout fatigant qu'il était, ne pouvait pas se regarder dormir. D'ailleurs, il rêvait qu'il nageait dans une mer de sinople, fréquentée par des sirènes de carnation. Et cela le divertissait, cet ennuyeux jeune homme. Les autres rêvaient ou ne rêvaient point. Les torches accrochées au manteau de la cheminée s'étaient éteintes. Deux résines à demi consumées luttaient seules contre la lune qui lançait obliquement dans la chambre ses rayons cristallins et limpides. Alors une jeune fille apparut sur le seuil. Aux lueurs indécises des deux résines, les contours de son visage fuyaient. Quelque chose de vague et de surnaturel était autour d'elle. Il n'y avait pas de poète parmi ces hommes de fer qui dormaient, vautrés sur le sol. À voir cette apparition pleine de grâce, un poète eût pensé tout de suite à l'ange qui est l'âme des ruines, à la fée qui est le souffle des grèves. Enjouffée, elle tremblait. Pendant une minute, elle regarda cet étrange dortoir de l'orgie. Puis un éclair s'alluma dans ses grands yeux d'un bleu obscur. Elle fit un pas en avant. Elle entra dans la lumière de la lune qui jeta des reflets azurés dans l'or ruisselant de ses cheveux. Vous l'eussiez alors reconnue. Pauvre reine, que de larmes dans ses beaux yeux depuis le jour où nous l'avons entrevue derrière les plis de son voile de deuil. Ce jour avait commencé sa misère. Depuis ce jour-là, son vieux père luttait contre le ressentiment d'un prince outragé. Lutte terrible et inégale. Depuis ce jour, le pauvre Aubry était captif dans les cachots souterrains du Mont-Saint-Michel. Et son père n'avait qu'elle au monde pour le secourir et le protéger. Et Aubry, oh, que pouvaient les mains blanches de reine contre l'acier des barreaux ou le massif granit des murailles? Elle avait pleuré, mon Dieu. Mais il y avait une audace latente sous les grâces de cette frêle enveloppe. Et toute hardiesse à sa gaieté, parce que la gaieté qui est un mode de l'enthousiasme se dégage de tout effort moral comme la chaleur de tout effort physique. Les pleurs de reine se séchaient souvent dans un sourire. Elle était si jeune, et Dieu lui faisait de si surprenantes aventures. Cette nuit, par exemple, au milieu de ses soudards qui ronflaient, elle avait peur, c'est vrai. Mais un malicieux sourire vint à sa lèvre quand elle reconnut, trônant sur le fauteuil d'honneur, Méloir, le chevalier de nouvelle fabrique. Naguère, dans les fêtes d'Avranches, cet homme lui avait demandé la permission de porter ses couleurs. Plus tard, il s'était offert de lui-même, sur le noble refus d'Aubry, à poursuivre Hugues de Maurevers. C'était maintenant un chevalier. Et pourtant Rennes souriait parce qu'il est des hommes qu'on ne peut haïr sérieusement. La salle était grande. Rennes voulait parvenir jusqu'à la table. Elle avait un panier au bras et son regard convoitait naïvement les débris du souper. Elle avançait avec lenteur parmi ces obstacles humains. Il lui fallait à chaque instant éviter une tête, enjamber un bras, sauter par-dessus une poitrine bardée de fer. Parfois, lorsque l'un des dormeurs faisait un mouvement, Rennes s'arrêtait, effrayée. Mais elle reprenait bientôt sa tâche, et à mesure qu'elle approchait de la table, le sourire se faisait plus espiègle autour de sa lèvre. Enfin, elle atteignit la table en passant sur le corps mal bâti du sieur de Corson, qui ruminait chevrons, bandes, barres, pales, sautoirs, burelles, lions rampants ou hissants, besants, quintefeuilles et merlettes, toutes les figures du blason. Elle mit dans son panier deux poulets, un gros morceau de pain et un flacon de vin vieux qui restait intact par fortune. Puis elle se redressa, toute heureuse de sa victoire, en secouant ses blonds cheveux d'un air mutin. Comme elle s'apprêtait à traverser de nouveau la salle, cette fois pour s'enfuir avec les trophées de son triomphe, elle laissa tomber un regard sur le bon chevalier. Le chevalier Méloir avait toujours la main sur son escarcelle rebondie. Les sourcils délicats de Rennes se froncèrent et son œil brilla d'un éclair hautain. « L'or qui doit payer la tête de mon père, » murmura-t-elle. Il faut croire que dans ces temps-là, les châtelaines portaient déjà des ciseaux, car on eût pu voir dans la main de Rennes un reflet d'acier qui passa entre les doigts de Méloir. Le cordon qui retenait l'escarcelle fut tranché en un clin d'œil. Mais l'escarcelle ne tomba point. La main de Méloir était toujours dessus. Ses soldats sont vigilants, même dans le sommeil. Quand Méloir imposait à son repos la condition de garder un objet, Méloir s'éveillait comme il s'était endormi, la main sur l'objet gardé, que ce fût une bourse ou une épée. Rennes tira l'escarcelle bien doucement, puis plus fort. Impossible de faire lâcher prise à Méloir. Rennes essaya d'ouvrir l'escarcelle entre ses doigts. Impossible encore. Pourtant elle la voulait. Non pas peut-être pour se procurer un peu de cet argent, si nécessaire aux proscrits qui se cachent. Non pas assurément pour s'indemniser des ravages commis sur les domaines de Maurevers. Rennes n'avait pas un écu vaillant, mais elle savait où prendre le pain qui soutenait l'existence du vieillard. Non, pour rien de tout ce qui eût pu déterminer un homme à s'emparer du trésor, disons plus. Non pas même dans le but de s'en servir, mais bien parce que cette escarcelle contenait, à son sens, l'odieuse récompense qui devait payer la trahison, les 50 écus nantais promis à quiconque livrerait Monsieur U. Elle voulait, et c'était bien quelque chose, que la volonté de cette blonde enfant, si mignonne et si frêle. Cette blonde enfant, si frêle et si mignonne, avait bravé naguère pendant 10 nuits, les balles et les traits d'arbalète pour aller porter du pain à Gilles de Bretagne prisonnier. Et Dieu sait que les archers de Jean de la Hesse avaient ordre de viser juste autour de la grille du cachot. Cette blonde enfant, depuis 10 autres jours, traversait chaque nuit les grèves où tant d'hommes forts ont laissé leurs os, pour porter encore du pain à son père cette fois. Quand elle voulait, il fallait. Méloir grondait dans son sommeil. Il sentait confusément l'effort de la jeune fille. Sa main se raidissait sur l'escarcelle, bien qu'elle ne fût point réveillée encore. L'impatience prenait Rennes, dont le petit pied frappa le sol avec colère. Puis comme si ça n'était pas assez d'imprudence, la téméraire enfant, par un dernier mouvement brusque et vigoureux, arracha l'escarcelle. « Alarme !» cria Méloir, qui s'éveilla en sursaut. En une seconde, toute l'escorte fut sur pied. Mais une seconde, c'était 10 fois plus qu'il n'en fallait à Rennes de Maurevers pour opérer sa retraite. Leste comme un oiseau, elle bondit parmi les dormeurs qui s'agitaient. Elle sauta d'un seul élan sur l'appui de la fenêtre ouverte, et les soldats se frottaient encore les yeux qu'elle avait déjà franchi le seuil de la cour. En passant près de la table, elle avait soufflé les deux résines. La lune était sous un nuage. Ce fut dans la salle une scène de désordre inexprimable. Au milieu de l'obscurité complète, on se démenait, on se choquait. Les jambes engourdies des dormeurs s'embarrassaient dans le foin qui leur servait de lit, et plus d'un tomba lourdement, mêlant aux cris confus un son retentissant de ferraille. On eût dit qu'une lutte acharnée avait lieu. « Allumez les résines !» commanda Mélois. Et chacun de répéter « Allumez les résines !» Mais quand tout le monde commande, personne n'obéit. On continua de s'agiter à vide. Le sieur de Corson s'était remis en pâle, comme il disait, quand il était de très joyeuse humeur. En pâle, pour lui, signifiait debout. Oh, les sinistres joies de la science! Quant à Doctum plaisante, fuyez! Il n'y a qu'une plaisanterie de mathématicien qui puisse être plus funeste qu'une plaisanterie d'archiviste paléographe. Les autres cherchaient leurs armes, juraient, se bourraient, trébuchaient contre les flacons vides et donnaient leurs armes au diable qui ne s'en souciait point. Le chevalier Méloir était comme ébahi. Il fallut que la lune sortît de son nuage pour mettre fin à la mêlée. Un rayon argenté inonda un instant la salle pour s'éteindre bientôt après. Mais on avait eu le temps de se reconnaître. Conan et Kervoz battaient déjà le briquet. « Avez-vous vu ?» commença Mélois. « Un fantôme ?» interrompit Keravel. « Quelque chose, » continua Fontebrault, « qui a glissé dans la nuit comme un brouillard léger. Une vision, un esprit. « Quelque chose, » s'écria Mélois, « qui a coupé les cordons de ma bourse. « En vérité ? » fit-on de toutes parts. « Quelque chose, » ajouta Keravel, en soulevant une des résines allumées, « qui a emporté deux de nos poules et notre dernier flacon. Ah, »« C'est pourtant vrai, » répéta-t-on à la ronde. « Sapreubleu, » gronda Mélois, « au diable les poules, mon escarcelle contenait la rançon d'un chevalier. On peut monter à cheval et le chercher. C'est quelque chose-là, mes compagnons, il me le faut. » Les hommes d'armes s'entre-regardaient. « Chercher, » murmurèrent-ils, « c'est possible, mais trouver... » « Il faut trouver, mes compagnons, » dit Mélois. « Si c'est un voleur, » répliqua Keravel, « il est adroit, messire, et il a de l'avance. Et si c'est un esprit... » « Quand ce serait Satan, sapreubleu !» On chuchota. Mélois poursuivait. « Scellez les chevaux, Conan et les autres. Notre nuit est finie. Vous, mes compères, écoutez, s'il vous plaît. Je vais vous donner le signalement du prétendu fantôme. « Vous l'avez donc bien vu, messire ?»« Pas trop, mais juste pour le reconnaître. De sa taille, je ne saurais rien dire, sinon qu'il est plus leste que les lévriers de Rieux. Sa figure, je ne l'ai pas aperçue, puisqu'il me tournait le dos en fuyant. Mais ses cheveux blonds, bouclés et flottants... »« C'est une femme ?»« Peut-être. Vous souvenez-vous du garçonnet qui nous a conduits jusqu'ici, messieurs ?»« Oh ! » s'écria-t-on. « C'est vrai, il a des cheveux blonds. »« Eh, vous souvenez-vous comme il avait envie des 50 écus nantais ?»« Oui, oui. » »« Voilà la piste, mes compagnons. À vous de la suivre. » Un bruit soudain se fit dehors. « Sus, sus !» criaient Conan, Mary, Kervez et les autres archers. Et ils donnaient chasse dans la cour à un être qui fuyait avec une merveilleuse rapidité. « Sus, sus !» « Mon bon seigneur, » disait le pauvre diable, perdant déjà le souffle, « ayez pitié de moi, je venais pour parler à votre maître, le noble chevalier Mélois. » « Au milieu de la nuit ? Attention, Conan, barre-lui la route, Mary. Nous allons la coller contre le mur. » Les hommes d'armes et Mélois s'étaient mis aux fenêtres. « Oh, mes bons seigneurs, oh !» criait le fugitif à bout de force. « Messire, » dit Fontebrault, « je crois que cet honnête gaillard va nous donner des nouvelles de votre bourse. » « Ne lui faites pas de mal, » ordonna Mélois aux archers. Le fuyard s'arrêta au son de cette voix. « Merci, mon cher seigneur, » dit-il, « que Dieu vous récompense. »« Amenez-le, » commanda Mélois. L'instant d'après, les archers poussaient dans la salle un individu qui ne ressemblait vraiment point au signalement donné par Mélois. Ce signalement, tout imparfait qu'il était, parlait du moins d'une taille souple et de longs cheveux blonds soyeux. Notre fugitif avait au contraire tout ce qu'il fallait pour n'être confondu de près ni de loin avec ce signalement. C'était un grand garçon d'une laideur très avancée et pourvu d'une chevelure dont chaque crin était rude comme la dent d'une étrille. « Messire, dit l'archémérie, nous avons surpris ce vilain oiseau-là au moment où il se glissait hors de la cour. »« Que venais-tu faire dans la cour ? » demanda Méloir qui avait repris place dans son fauteuil. « Je venais vous parler, mon bon seigneur. »« Comment t'appelles-tu ? » ? « Vincent Gueffès, fidèle sujet du duc François, est le plus humble de vos serviteurs, monseigneur. »